Aujourd'hui, Radio Dio et le Grémos, groupe de recherche et d'études sur les mémoires des mondes ouvriers stéphanois, vous propose une émission visite guidée au cœur du quartier du Marais à Saint-Étienne. Le Marais est un ancien quartier industriel. Autrefois marécage, cet espace est transformé par la révolution industrielle dès le début du XIXe siècle. Des usines métallurgiques s'y implantent. Sous l'autorité d'actionnaires de la région, l'ingénieur Barouin y fonde la compagnie des fonderies, forges et aciéries en 1865. Cette usine, d'emblée conséquente, va progressivement s'étendre en surface, en puissance, en personnel employé, jusqu'à devenir, dans les années 1910, la principale occupante des lieux. L'usine marque donc fortement le quartier. Elle y implante ses grands ateliers, ses cités, ses cercles ouvriers. Elle influence la construction de l'église. Elle rythme la vie des cafés, des commerces, des moyens de transport public. À travers l'usine des aciéries, le quartier est propulsé sur la scène de la révolution industrielle. Pendant près d'un siècle, des machines d'aciéries, des trains, de laminage, des fonderies, des tôleries y ont travaillé pour fournir en aciers spéciaux les grands clients que sont les ministères de la guerre, de la marine, l'industrie de l'automobile, les fabricants de machines et bien d'autres. À travers ses techniques, ses corps de métier, ses outils, ses clients, le Marais est complètement intégré à l'histoire métallurgique. Aujourd'hui, bien rares sont les personnes qui y habitent. Et ceux qui y travaillent pensent davantage qu'ils sont sur le technopôle de la ville que dans l'ancien quartier des Aciéries. Il reste peu de traces de cette histoire. La plupart de ces usines ont disparu. Les cités Barouin ont été rasées, l'école publique est désaffectée. Pourquoi avons-nous mis cette histoire de côté ? À quoi peut-elle bien nous servir ? Comment s'en préoccuper et la transmettre ? Dans les années 90, Daniel Colson et Jacques Roux, sociologues, ont mené et publié des recherches sur l'histoire du Marais au travers d'entretiens et d'archives. En novembre 2011, nous retournons avec eux et Maurice Bedouin, historien, nous promener et discuter autour des quelques vestiges de ce passé industriel, c'est-à-dire de ce qui reste des aciéries, l'école et l'église. Donc là, nous sommes place Manuel Balboa, au Marais. Donc on voit l'entrepôt Isidis, qui appartient à Casino. Et à côté, des entrepôts, assez imposants, en travaux. Enfin, c'est des immenses entrepôts, briques rouges, grandes baies vitrées. Ouais, grande, ça fait pas si vieux que ça, moi, je trouve. Et à côté, juste à côté, c'est le stade Geoffroy Guichard. Ça, la plupart des gens connaissent. Derrière nous, l'école, l'ancienne école qui est devenue un lieu qui accueille des associations. Et devant nous, une grue. Asco Métal, qui est l'usine qui demeure des anciennes aciéries. Il y a deux types de bâtiments. Celui qui est en briques rouges, vous dites entrepôt, en fait c'est des halles d'aciérie. Donc ces grandes halles avaient été construites pendant la Première Guerre mondiale, en 1916-17, pour les réserves, pour fabriquer les armes lourdes qui servaient dans la guerre, quoi. Donc ce qu'on remarque ici tout de suite, c'est que ce quartier, il est marqué par une histoire pas seulement locale, mais nationale, au moins nationale, par son industrie lourde. Voilà, et les entrepôts plus récents, tu dis Isidis, en fait c'est Asco Métal. Donc c'est une filiale d'un grand groupe sidérurgique qui a encore une activité. Et c'est des bâtiments qui ont été créés après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on voit l'aspect très différent en tôle ondulée. Et qui a encore là des laminoirs. Donc là on fabriquait des grandes tiges qui servaient pour faire des ronds en béton, etc. Voilà, donc jusqu'à l'époque là où il y avait le plus de monde qui travaillait dans ce secteur. Daniel, je peux me tromper, mais il y avait plus de 2000 ouvriers qui étaient présents dans cette zone. Ouvriers. Plus de 2000 ouvriers. Et dans les années 70, donc il y a eu une fermeture progressive, assez rapide finalement, de tout l'ensemble. C'est-à-dire à la fois des très, très anciens ateliers. Et puis de ce qui avait été investi, alors là pour le coup très très récemment. C'est-à-dire que les nouvelles usines ont fonctionné vraiment à plein une vingtaine d'années maximum. C'est une forme un petit peu de sursaut après la guerre, quand on modernise la sidérurgie, et puis on s'aperçoit assez vite que Ces sites à l'intérieur sont concurrencés par de nouvelles usines. Et puis c'est le moment où on fait l'Europe, on parlait déjà au sud d'Europe, et il y a une rationalisation des moyens de production. Les usines produisent de plus en plus d'acier, donc il y a une forme un petit peu de surproduction, et donc on élimine un certain nombre de sites, dont celui de Saint-Étienne qui à ce moment-là devient un petit site. Ok, est-ce que vous savez quelles sont les activités à l'heure actuelle dans ces lieux ? Alors, les halles ont été reconverties en entrepôts, donc là tu avais raison de parler d'entrepôts par l'intérieur, notamment casino, ils déposent de ses affaires. Là, ils sont en travaux, donc je ne sais pas quelle est la nouvelle destination. Mais il n'y a plus d'activité industrielle de fabrication dans ces grandes halles rouges, hein, qu'on voit depuis le stade aussi. Par contre, dans la partie Ascométal, il y a encore une activité sidérurgique ou au moins de commercialisation et de finition des grandes barres comme ça qui sont traitées avant d'être expédiées. Hein, puisque ici, on voit comité d'établissement Ascométal, hein, dans cette... Ce petit bâtiment là qui est accolé à l'école, et bon, c'est signe qu'il y a encore une activité d'entreprise, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a été. Ici, on est plutôt sur un site sidérurgique, mais qui faisait quand même des aciers spéciaux. Et tu peux peut-être parler de l'acierie dont tu as vu la dernière coulée. Oui, parce que nous, on fait partie de l'histoire, puisque les recherches qu'on a faites, elles remontent à 30 ans, 25 ans. Et donc, effectivement, j'ai assisté au dernier lingot coulé dans cette aciérie. C'est-à-dire que la métallurgie est constituée de secteurs très, très différents. Donc, la métallurgie à chaud n'a rien à voir avec la mécanique. L'aciérie, c'est un travail de force et très, très dur à chaud. C'était quand même une usine d'acier à chaud. Donc, Daniel a raison de dire que c'était des métiers spéciaux. Mais c'était aussi des aciers spéciaux qui étaient faits là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un savoir-faire du même type qu'un tourneur, un ajusteur, qui étaient formés, mais ils avaient un savoir-faire collectif. C'est-à-dire que ces aciers-là, il fallait avoir un flair, un doigté collectif pour savoir, un œil, pour savoir jusqu'où on chargeait le four, et on arrêtait de le charger et on allait le vider. Et ça, c'était assez distribué entre les contremaîtres, les chefs d'équipe et les ouvriers aussi. Donc voilà, c'était quand même des usines un peu rares en France, hein, qui pouvaient faire ce type d'acier. Et c'est ce type d'usine aussi qui embauchait beaucoup de travailleurs qui venaient du Maghreb, hein, d'Algérie, du Maroc, Pologne. Ben, après la guerre, il y a eu une immigration de ces pays-là et qui formait le gros des bataillons des ouvriers qui menaient ces aciéries. Donc voilà, il faut aussi savoir que nos usines, entre guillemets, étaient mises en œuvre, hein, par des gens qui venaient de l'immigration. Ok, donc en fait, les aciéries et la sidérurgie à Saint-Étienne, enfin au Marais, c'était l'activité principale pendant toute une période qui a duré de quand à quand ? Là, l'usine Barouin, elle a été créée en 1865, donc c'est une très vieille usine. Mais c'est une usine un peu à Saint-Étienne, il y avait la chalet acière, donc il y avait d'autres usines qui étaient plutôt des usines de métallurgie à froid. Et en fait, la métallurgie à chaud, qui va former le Creusot-Loire, elle était dans la vallée de l'Ondaine et dans la vallée du Gier. Donc là, le site, il était presque un peu tardif au 19e siècle, puisque la création, c'est la première moitié du 19e. Et en 1865, c'était quasiment une des rares usines à chaud, à scierie, sur Saint-Étienne. Fondée par un personnage extraordinaire, Charles Barouin. Voilà. Donc Barouin qui fonde ses usines, il y a la rue Barouin ici, c'était un peu les cités Barouin. C'était un chef d'industrie, c'est-à-dire il avait un profil plutôt ingénieur, plutôt que financier. Donc il utilisait la finance lyonnaise pour avoir un peu des capitaux, mais il était très, dans un sens, assez proche de ses équipes d'ouvriers. D'ailleurs, il était venu avec ses contremaîtres, hein, et ses ouvriers qualifiés de la Nièvre. Et il y avait une coupure très forte entre les actionnaires et les gens qui étaient vraiment sur le terrain. Et tu rappelais, tu avais retrouvé des archives, comme il y avait eu des tempêtes qui avaient tout foutu par terre ici. Et c'est aussi... Il avait une formation, il n'y avait pas d'école d'ingénieur, donc il avait une formation de contremaître. En fait, il était rentré à 14 ans. Donc effectivement, il était proche des ouvriers. Donc il y a les deux faces du capitalisme, là. D'un côté, les financiers, les gens qui ont les riches, disons, qui investissent dans l'industrie, qui ne sont pas du tout au courant de ce qui se fait, qui s'en foutent. Et il faut que ça rapporte, c'est ça. Comme maintenant. Il n'y a pas tellement de changements. Et qui payent des gens qui, eux, alors avec toute la hiérarchie, hein, de l'ouvrier à l'ingénieur, qui, eux, font tourner les usines et se coltinent avec la réalité. C'est-à-dire des catastrophes, il faut rebâtir, il faut construire des gens, il faut qu'ils soient quand même solidaires, quelque part, de la marche des usines. Donc ça, c'est une réalité importante. Effectivement, tu as raison de dire, ça n'a pas changé. C'est-à-dire, quand on regarde le système capitaliste, il produit ce genre de coupure, qu'on n'a pas forcément dans une toute petite entreprise, où c'est la... Bon, le patron est aussi au milieu de ses ouvriers et il met la main à la pâte. Ou chez un artisan, qui combine un peu les deux. Voilà, et puis on voit où ça nous mène. C'est-à-dire que maintenant, dans les grands enjeux de la crise financière, bon, c'est des jeux de traders qui n'ont jamais mis, qui ne se sont jamais sali les mains. Et c'est eux qui mènent le monde. On disait que maintenant... Ces lieux accueillaient entre autres les entrepôts casinos, donc les entrepôts Isidis. C'est un lieu connu à Saint-Étienne pour ça maintenant, parce que je sais que pour moi, à ma connaissance, en tout cas les gens de ma génération, l'énorme majorité des gens qui vont bosser en intérim, ils viennent bosser ici en fait. Donc c'est toute une réalité du travail aujourd'hui à Saint-Étienne. Moi je connais Isidis pour ça quoi. Je savais pas que l'histoire des lieux, c'était ça, par exemple, par contre. Si, c'est intéressant, parce que ça veut dire que des lieux comme ça, c'est vraiment lié à un imaginaire collectif qui s'étend à la ville. Donc, qu'il y ait une nouvelle expérience collective ou casino, enfin, ce que tu viens de dire. Mais par exemple, Barouin, toi, tu n'as dû jamais entendre parler de ce nom. Quand nous, on faisait les recherches, donc c'était dans les années 80, à Saint-Étienne, tout le monde connaissait Barouin. Et Barouin était un imaginaire précis, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'anecdotes sur les gens qui travaillaient chez Barouin, c'est-à-dire qu'ils foutaient rien, enfin généralement, ça avait sens là, Barouin, c'était, il y avait un espèce de style où quelqu'un qui avait la braguette ouverte, on disait c'est la paye chez Barouin. Barouin était un nom, c'était devenu un personnage conceptuel, dirait Deleuze, n'est-ce pas, voilà, mais qui c'était devenu, et c'est vrai qu'il y a un imaginaire collectif qui s'accroche à des lieux historiques. Il faut dire quand même que ce qu'on voit là, puisqu'on le voit sous les yeux, c'est des immenses halles. C'est gigantesque. On n'a pas l'équivalent à Saint-Étienne, sauf peut-être les bâtiments de l'année France qui ont été aussi réhabilités. Mais de mon point de vue, ils ont été très bien réhabilités. C'est-à-dire qu'on a conservé le style architectural de l'époque, avec les briques rouges qui ressortent. Et c'est un bel exemple de muséographie inconsciente, c'est-à-dire que ce quartier n'est absolument pas valorisé en tant que quartier historique. Hein, ils ont fait ça, c'est pas la DRAC. Non, c'est pas la DRAC, c'est les gens qui possédaient ce bâtiment, qui ont fait ce choix de conserver le bâtiment, ils auraient pu le raser, et de le mettre en valeur par son architecture. Donc voilà, c'est un monument qui s'ignore, mais je pense que c'est intéressant de le dire. Viens dans mon pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Tu ne connais pas, mais t'imagines. C'est vraiment magnifique une usine. C'est plein de couleurs et plein de cris. C'est plein d'étincelles, surtout la nuit. C'est vraiment dommage que les artistes qui font le spectacle soient si tristes. Autrefois, il y avait des rigolos. Ils ont tous fini dans un lingot. Le ciel a souvent des teintes étranges. Le nom des patelins se termine par ange. C'est un vieux pays pas très connu. Y a pas de touristes dans les rues. Bien. Dans mon pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur ma peau comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Y'a petite sœur au blanc manteau, y'a c'est la balade des copeaux. Y'a petite girl in red blue jean, y'a c'est la descente au fond de la mine. Y'a c'est la descente au fond de la mine. Donc nous continuons notre balade et nous trouvons anciennement devant l'école du Marais, donc qui est du même ordre, donc un bâtiment assez imposant. On retrouve encore les briques rouges, beaucoup de fenêtres. À savoir qu'elle se trouve à deux pas de la nouvelle usine des Aciéries, rue Tournefort, et le long de la grande rue des Aciéries, qui rejoint plus ou moins le centre-ville et Montréno. Et à savoir qu'aujourd'hui, depuis je ne sais pas combien de temps, c'est plus une école, c'est un lieu où la municipalité de Saint-Étienne accueille des associations. Donc c'est un des rares bâtiments, je pense, qui reste avec les Aciéries et qui a été construit fin du 19e siècle. 1883. Donc quel rôle est-ce qu'il a joué? Comment il a émergé, ce bâtiment? Il a un rôle clé pour ce quartier, qui est un quartier un peu avorté, puisqu'on voit qu'il est très, très dispersé sur une très grande surface, avec une population uniquement les gens qui travaillent dans les usines. Et donc cette école a été le résultat d'une lutte très longue, d'un comité pour l'école, je ne sais plus le nom, si je le retrouve. Et donc qui demandait une école, et en fait ça faisait pas... On a des comptes rendus de visite où les gens viennent voir, et ils disent, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait une école, parce que c'est un quartier complètement à la fois rural, disloqué, et l'école n'apparaît pas comme une nécessité, alors qu'il y a une grande masse d'enfants, puisqu'il y a beaucoup d'ouvriers qui s'entassent rue des Aciéries, qui habitent aux cités Barouin, et donc il y a eu une mobilisation. Et ce qui est très... Enfin, moi, ce qui m'a ému beaucoup, et ce qui est très significatif, c'est que les... Il y a eu des pétitions qui ont été signées et nous, on a retrouvé une pétition qui a circulé dans l'usine et donc où il y avait à peu près 500 noms, 600 noms, donc pas tous, mais beaucoup. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque ouvrier a noté le nombre d'enfants, son nombre d'enfants. Et surtout, alors, est-ce que le premier a commencé ou est-ce que... Ou, moi, je pense que ça a un sens plus fort, c'est que chaque ouvrier a tenu à dire son métier. Alors, c'est... Les Aciéries de Saint-Étienne, elles n'étaient pas forcément, ils n'étaient pas tous très qualifiés. Donc certains indiquent leveur de porte. Donc ils donnent une fonction qui est très limitée dans le travail. Mais qui est, donc il y a une espèce de fierté qui se dégage. Si vous lisez, c'est vraiment très net. Hein. Il y en a un qui est coché. Chacun donne son métier et ils ont obtenu leur école. Qui a donc été construite en 1883. Donc en fait, les patrons ou les chefs des entreprises du coin et les ouvriers aussi se mettent tous ensemble pour faire une pétition pour réclamer une école. Oui, parce que Barouin est vraiment très proche de ses ouvriers, des équipes d'ouvriers. Mais il y a des documents où il demande à tout prix au conseil d'administration d'investir dans des machines et à un moment, il parle de... Il décrit des procès de production qui sont, il dit, procédés barbares du point de vue humain, parce que ça tout se fait à dos d'homme, et il demande des machines. Donc Barouin, dès qu'il arrive, il a une vision qui est, c'est plus que du paternalisme, c'est une vision organique de l'usine, donc il veut faire paver les rues, le conseil d'administration ne veut pas, il veut construire des cités. Les cités, le conseil d'administration dit, c'est pas notre métier. Alors, vraiment, ce que disait Jacques tout à l'heure, notre métier, c'est de rentrer des dividendes avec des pourcentages suffisamment forts. Mais notre métier, c'est pas de loger les ouvriers dans des cités. Donc, Barouin va monter une opération avec le baron de Roche-Taillé. Donc, je pense qu'il est connu à Saint-Étienne, qui est un espèce de noble étrange dans le quartier et qui accepte de mettre de l'argent dans les cités Barouin, donc ils sont gérés par Barouin. Ils créent un cercle ouvrier à côté des cités où on boit du vin, etc. Les directeurs d'usine, comme tu le dis, souhaitaient faire une forme de paternalisme avec des cités, avec l'école, avec l'église. Comme ça, il y avait une communauté de l'usine, pas loin de l'usine, et à la fois il se promouvait un peu comme le rapportant du progrès au niveau de la santé, de l'éducation, etc. des enfants. Et en même temps, il les tenait, hein, parce que le paternalisme, il y a toujours ces deux aspects. Ça représente à un moment donné un progrès, peut-être par rapport à d'autres modes de vie, mais on est un peu sous la coupe du patron. Oui, mais en précisant, enfin, un élément qui complète ce que dit Jacques, c'est que l'usine, elle est très décentralisée. C'est-à-dire que le directeur de l'usine, Barouin, il s'appuie sur une équipe de contremaîtres qui ont recruté leurs propres ouvriers, qui les embauchent eux-mêmes. Donc l'embauche centrale va mettre très longtemps avant de se... Et donc c'est des espèces de communautés. Moi j'avais dépouillé l'état civil, les recensements des rues de la série de Saint-Étienne, etc. On voit bien que dans les immeubles, ceux qui sont de la Nièvre, ils habitent ensemble. Enfin, il y a vraiment des communautés... Donc c'est pas un contrôle individualisé des gens, c'est vraiment un assemblage de forces. À Saint-Étienne, oui. Ouais, à Saint-Étienne. Mais à Vauche, là, la verrerie avait ses cités, et là on sent un espèce de ghetto. Hein, les cités marchent avec l'usine, et là sont vraiment sous la coupe. Mais c'est vrai qu'à Saint-Étienne, vu qu'on est en milieu urbain, il y a plus de brassage. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur. Ah, ah, ah, ah oui. D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. Laïla, laïla, yeah. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. De travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes. Ah, ah, ah, ah oui. Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges. Laïdira, laïdira, yeah. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux. Merci patron, ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Oui, c'est ça. Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir. Ah, ah, ah, ah, ah oui. Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle, et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Laïdira, laïdira, yeah. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. À vous le plaisir de travailler pour nous. Vous serez heureux comme un fou. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Ce que vous avez fait pour nous, nous le referons. Donc en fait, pour en revenir au commencement, avant que le Marais soit un quartier de Saint-Étienne, c'était des prés, des puits de mine éparpillés, et ensuite quand des paysans, et quand les aciéries de Saint-Étienne sont fondées, un quartier va naître autour, qui aujourd'hui est complètement différent. On s'est beaucoup creusé la tête pour savoir si c'était un quartier. Et en fait, on n'a pas eu la réponse parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un quartier. La définition canonique d'un quartier, ça n'existe pas. Donc tout ce qu'on a pu dire, c'est qu'il y avait une revendication d'être un quartier et qu'il y avait les attributs, certains attributs d'un quartier. L'école, l'église, les bistrots. Donc on retrouve le lavoir, les fontaines. Bon, donc il y a tous les éléments d'un quartier. Après, est-ce qu'il y a vraiment une vie de quartier forte ici? On peut se poser la question. Il y a beaucoup de gens qui transitent ici, qui viennent de Saint-Étienne ou, et qui viennent travailler à l'usine et qui repartent quand ils ont fini de travailler. Donc c'est un lieu très animé. Mais pour une part, cette animation est une animation de transit pour venir et sortir de l'usine. Et là, tu peux peut-être raconter, pour toi, c'était un lieu un peu magique de flux, de charrettes, de bosquets. Oui, enfin, on a des tas de les amoureux dans les bosquets. Enfin, non, c'est une vie. Il y a une vie. Oui, dans les archives, il y a une vie intense du quartier, effectivement. Et quand Barouin, il veut faire des cités pour loger ses ouvriers les plus proches. Mais en fait, la rue des archives départementales, la rue Barouin, il veut la faire paver, mais il veut la faire éclairer. Enfin, il y a toujours ce souci moral. Et donc, c'est vrai que c'est un quartier... Oui, tu as raison, c'est vraiment un quartier de flux et de transit, d'échange. J'imagine extrêmement vivant. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y a pas de camion comme on voit aujourd'hui. Mais c'est des bœufs avec des charrettes, donc ça fait du bruit. Bon, des grosses charges, oui. Ouais. Il y a plein de bistrots. Je pense que les hommes, en sortant ou en allant à l'usine, on boit, on se retrouve au café, on fume. C'est un métier dur quand même. C'est là où se font les embauches. Voilà. C'est un quartier comme ça, oui. Maintenant, est-ce que c'est un quartier, comme on dirait, je sais pas, le Soleil à côté est plus, de mon point de vue, est plus un quartier, c'est-à-dire on sent une densité d'habitat qui va un peu avec l'idée de quartier. Ici, l'habitat est quand même relativement lâche. Bien sûr, pour donner une idée du lien, ce qui est important à voir, c'est que l'usine n'est pas du tout une usine fermée, puisque les embauches se font dans l'usine. Donc quelqu'un qui cherche du travail, il rentre dans l'usine et il va chercher un contremaître par relation familiale. Donc ça veut dire que c'est pas une usine avec une clôture comme nous, quand on l'a étudié, il y avait des gardiens, etc. Donc il y a une espèce de circulation, et je pense qu'il faudrait voir si les autres usines étaient comme ça. Et donc les moments de lutte revendicative, cette circulation prend l'allure de cortèges qui se mettent à circuler dans les rues, qui vont d'une usine à l'autre, mais ils peuvent rentrer dans l'usine, il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment un autre contexte qu'on s'imagine mal avec l'usine fermée, clôturée avec des murs. Qui se met en place, je ne sais pas à quel moment. On peut dire un mot sur l'école aussi. Nous, on avait travaillé avec l'ancien directeur de l'école et tous les enfants qui sont passés par cette école, ça crée aussi une identité. Donc l'école, elle est pas seulement un lieu d'instruction, mais aussi un lieu symbolique, un lieu où, de référence qui fait exister la notion de quartier, parce que ça se passe par des communautés. De même qu'on peut dire que si on a le temps, on ira voir l'église, mais la paroisse représente aussi un point d'ancrage où les gens se connaissent. L'école, est-ce que vous savez à quelle époque elle a été désaffectée? Assez vite, hein, je crois. Ah non, je pense que... D'abord, nous, quand on faisait l'enquête, elle fonctionnait encore en partie, à l'école maternelle qui est là. Alors, on voit qu'elle est crépie, mais sur la photo, on voit que ce bâtiment était exactement comme l'autre. Donc, c'est pas un petit appendice qui a été créé. Là, l'intérêt des archives, c'est de voir aussi ce qu'il y a derrière les crépies. Hein, donc, cette petite avancée, là, elle était construite de la même que le grand bâtiment. Donc là, l'école primaire et là, l'école maternelle. Et quand on... Les années 1980, donc quand on fait notre enquête, l'école maternelle fonctionne encore. Donc on peut dire que dans les années 80, il y a la fermeture complète. Hein, donc il faut situer ça dans cette époque-là. Et de nos jours, est-ce qu'il y a encore des gens qui vivent au Marais? Moi, dans mon impression, c'est pas du tout un quartier d'habitation, mais vous savez? Alors, il y a quelques habitations qui ont été créées sous la mairie du nom de la gauche dans les années 80-90, je crois. En descendant sur la gauche, en allant vers Moreno, l'idée c'était de créer c'était un peu une utopie, bon, mais ils ont créé quelques maisons. Ils voulaient faire un espèce de lien entre Moreno et la ville. En fait, ça a un peu capoté. Et après, la mairie du Blanchet a créé le Technopôle, qui, lui, n'est pas du tout résidentiel. C'est uniquement des bâtiments de bureaux, de centres de centres techniques et de bureaux d'administration, donc qui sont pas des lieux d'habitation. Ce qui me frappe, c'est que la rue des Aciéries, dans les années 80, il y a plein de bâtiments qui ont été détruits. Donc tu y es passé là tout à l'heure ? Oui, tout a été rasé. Il y avait effectivement une bande de maisons qui était surtout de l'autre côté. Voilà. Mais il n'y avait pas énormément d'habitants. Il y avait quand même des bistrots, des épiceries. Mais tout ça a été rasé pour le Technopôle. Et puis maintenant, sur cet espace-là, il y a aussi le Zénith qui a été créé par la mairie Thiolière. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu de dire que, quand même, pour créer ce technopôle, et ça, nous, on a assisté à cette création, ce n'était pas du tout évident de construire ici. Alors, pourquoi ce n'est pas évident ? D'une part, tout le terrain est truffé de galeries de mines qui viennent du 19e siècle, sans qu'ils aient forcément les plans de toutes ces galeries. Ce qui veut dire que quand on crée un bâtiment, et notamment un bâtiment lourd, on a des risques d'effondrement. Donc il faut creuser très profond et mettre des pieux comme ça en béton. Donc il y a déjà cette contrainte. Et l'autre élément qui est bon à savoir, c'est que c'était un marais. C'est-à-dire que le terrain ici s'appelle le marais, c'est pas pour rien, c'est qu'il y avait de l'eau. Donc il était beaucoup plus bas. Et cette zone est constamment alimentée en eau, hein, puisqu'il y a des ruisseaux qui passent par là. Et il y a une nappe phréatique qui est très proche. Et pour construire le technopôle, ils sont obligés de pomper. Et donc, constamment, là, au pied du Cré de Roc, la mairie a un système de pompage qui absorbe l'eau. Sinon, ici, ça serait inondé. Et dernier gros problème, c'est que le sous-sol est très pollué. Parce que l'usine dégageait toutes ses scories de la scierie et les versait dans le sol. Donc l'eau qui est en sous-sol est très corrosive et c'est même un énorme problème de santé. C'est-à-dire que les gens qui travaillent ici sont quand même exposés aussi à une potentialité de contamination. Mais ça, c'est un peu bouche cousue à Saint-Étienne parce que ça mettra en cause tout le projet urbain de la municipalité. Mais ils sont au courant. Mais alors, du coup, bizarrement, malgré toutes ces contraintes de faire construire le technopôle ici, pourquoi avoir choisi cet endroit, du coup ? Parce que c'était un terrain qui était libéré, qui était en friche. Et donc, ça ne coûtait pas un radis pour la municipalité qui pouvait se payer comme ça une zone d'activité qu'elle voulait aussi symboliquement transformer, c'est-à-dire passer des friches qui étaient un peu tristounets et qui renvoyaient à la décrépitude avec un technopôle vert fumé. Voilà, c'était l'opportunité de faire table rase avec ces friches et d'implanter là quelque chose de plus. Qui voulait montrer que Saint-Étienne était tourné vers l'avenir et non pas vers le passé. Donc un espèce transformé en technopôle. Voilà. Saint-Étienne a un énorme problème avec son passé industriel. Alors quelque part ça lui fait sa gloire, mais elle l'affiche pas. Elle a honte. Elle l'affiche pas. Et comme je le disais, ces grands bâtiments, il pourrait quand même y avoir un minimum de travail muséographique et de présentation de ce que c'est. Ben on voit rien. Donc quelque part, alors on va faire un peu de valorisation des monuments, enfin des bâtiments de Manufrance, et encore, mais Saint-Étienne ne sait pas mettre en valeur en fait son patrimoine, il l'écrase plutôt pour soi-disant montrer qu'il est tourné vers l'avenir. Bon, ceci dit, le Technopôle, ils ont mis un peu de verre fumé, mais on trouve une ambiance très très proche de tout ce qui se fait en France. Donc il n'y a rien de très original non plus dans la technicité et dans le modernisme là, qui a été fait ici. Donc le gros, on peut dire que c'est un peu perdu des deux côtés, quoi. C'est-à-dire que côté patrimoine, on aurait pu faire beaucoup mieux. Côté modernisme, ça a créé des emplois, il ne faut pas le nier, mais ça n'a pas non plus ce rôle symbolique de fer de lance de l'innovation, etc., comme on a voulu nous le dire. Quoi. Viens, petite sœur au blanc manteau, viens, c'est la balade des copeaux, viens, petite girl in red blue jean. Viens, c'est la descente au fond de la mine. Viens donc grand shooter du désespoir. viendront visiter mes laminoirs, viendront chevaucher les grands rouleaux et te coincer la tête dans un étau. Viens petite femme de Saint-Tropez, nous on fume la cam par les cheminées. Et si le bonheur n'est pas en retard, il arrive avec son gros cigare. Viens dans ce pays, viens voir où j'ai grandi. Donc là on est rue Barouin, devant un bâtiment qui s'appelle la Capelle 42, qui fut autrefois une ancienne église, on dirait pas. Vous savez ce que c'est la Capelle 42 aujourd'hui ? Capelle, oui, c'est quoi ? C'est la chambre des métiers. Ah bon. C'est un centre de formation pour les artisans. Donc est-ce que vous pouvez raconter un peu l'histoire de cette église et sa place dans le quartier ? Tu sais que historiquement, on disait que les premières circonscriptions un peu locales de quartier, justement de territoire, c'était les paroisses. C'est les paroisses qui tenaient aussi les registres d'état civil avant la Révolution. Donc, ça s'est transformé, mais quand même le fait qu'un quartier ait une paroisse, c'est la marque qu'il y a suffisamment d'habitants qui habitent là et qu'il y a une volonté de se définir dans la ville. Et donc, comme on a vu pour l'école, il y a eu le même mouvement pour qu'il y ait une paroisse du Marais, avec des gens très engagés, très volontaires. On en avait même connu, hein, des gens qui avaient participé à cette aventure. Et voilà, ils ont réussi à convaincre l'évêché ici à Saint-Étienne, et puis la ville, hein, parce qu'on construit un bâtiment assez monumental. On va retrouver, comme pour l'école, on fait en grand, qui est aussi l'idée qu'à l'époque, on pense que le quartier va se développer. Que voilà. Et en fait, un peu assez rapidement, cette paroisse s'est trouvée mise en concurrence avec ce qui se passait à Moreno, puisque la ville se développe plus loin, hein, au bas de Moreno, et puis après le haut de Moreno. Et il y a aussi une église au bas de Moreno. Donc les gens qui avaient participé à la paroisse ici, ils vont se déplacer au bas de Moreno. Souvent, ils ont des maisons où ils habitent au bas de Moreno. Et cette paroisse-là va tomber en décrépitude. Donc le bâtiment va être abandonné par l'église, repris par l'usine. Et pendant longtemps, ça a été aussi le siège du comité d'entreprise ici. Comité d'établissement. Et puis après, dans les années 70, ils ont vendu l'église, et c'est là où elle est devenue, on lui a coupé la tête, et elle est devenue à usage complètement différent en dehors de l'usine, donc cette chambre des métiers qui en a fait un centre de formation. Par rapport à l'usine Barouin, ce qu'il faut bien voir, c'est que si le mouvement ouvrier, il va se développer au 19e siècle, il y a un mouvement ouvrier chrétien très puissant qui se développe parallèlement. Donc sur Saint-Étienne, il y a toujours un doublon, c'est-à-dire que quand il y a les cercles ouvriers laïcs qui font des enterrements laïcs, etc., vont être doublés par des cercles ouvriers catholiques, chrétiens, liés à Albert Demain, etc., enfin, des gens comme ça. Les organisations, ça va donner, effectivement, la CFDT et la CGT, les amicales laïques. Donc au Soleil, il y avait une amicale laïque, mais en face, se sont montés les patronages. Et les patronages fonctionnaient comme les amicales laïques, avec des clics, avec des activités sportives, avec un certain nombre de choses comme ça. Ce qui fait que l'église, là, elle est vraiment le produit d'un fort mouvement très populaire, inscrit dans l'usine et opposé ou dans les mêmes familles avec le mouvement ouvrier, laïque, révolutionnaire. Ils s'opposaient ou pas ? Alors, est-ce qu'ils étaient opposés ? Ce qui est sûr, c'est que les amicales laïques représentaient l'alliance de la bourgeoisie républicaine et les ouvriers contre l'Église. Et nous, dans les recherches qu'on a faites sur l'usine Barouin, on voit très bien comment la CFTC et ses militants finissent par fonctionner de manière conflictuelle, mais en même temps très fraternelle avec la CGT, en sachant que le secrétaire de la CGT était un ancien prêtre ouvrier, donc les choses se compliquent énormément. Il y a un christianisme ouvrier qui a complètement disparu, enfin non, mais qui a donné, oui, qui a existé jusque dans les années 70. Bon, on est à Saint-Étienne aussi, hein, donc il y a il y a un fond quand même de tradition quand même de lutte hein, qui démarre assez tôt au 19e siècle dans le milieu des mineurs. Hein, c'est quand même là que se fonde les premières ligues, premières formes de syndicats. Hein, donc ce fond-là, on le retrouve aussi dans ce quartier. Hein, quel que soit les... Des structures familiales où le père est à la CGT, voilà. La mère est à la CFTC, CFDT, où les traditions chrétiennes se maintiennent par la famille. C'est intéressant parce que quand on interviewait Jean Marquet, lui, il tenait à dire, donc lui c'était un des militants CFDT très engagés, il tenait à dire qu'il fallait garder la mémoire aussi de tout ce qu'ils avaient fait, de tout ce qui s'était fait ici, notamment en termes de législation sociale, des acquis sociaux, ont été faits aussi par toutes ces bagarres qui ont eu lieu dans des sites comme celui du Marais. Et il dit ça, on l'oublie très vite. Et donc cette émission peut être l'occasion aussi de rappeler que certain nombre de choses qui passent pour évidentes aujourd'hui sur la couverture sociale, sur les vacances, etc., sont le résultat effectivement de combats ouvriers assez continus hein, où des gens se sont investis pour qu'il y ait des résultats. Et d'ailleurs on a vu dans les photos qu'on a trouvées, les photos historiques du Marais, qu'il y avait beaucoup de baraquements dans lesquels vivaient les ouvriers immigrés. C'est ces fameuses cités Saint-Éloi. C'est ça. Hein, qui sont sur la rue des Assyries, mais un peu plus loin en partant vers Mont-Hainaut. Il y en avait des deux côtés. Et effectivement, là, c'était des cités très très rustiques. Hein. C'était pas du tout comme les cités barouins dont on a parlé. Hein. C'était des baraquements. Il n'y avait pas d'étage. Et ça a servi de. Je crois que c'est fini, mais ça a servi assez longtemps après de local de rangement et de vestiaire pour les jardins ouvriers, parce que là il y avait aussi des jardins ouvriers liés à ces cités Saint-Éloi. Donc on avait un petit appartement et puis on avait un jardin dans lequel on pouvait cultiver des légumes. Et un des problèmes qu'il y a, c'est que les terrains de ces jardins sont aussi contaminés. Donc les gens ils cultivaient leurs légumes, mais ils se contaminaient aussi à cause de l'usine. Quoi. Alors, rester dans le cadre de l'usine jusqu'au bout. Quoi. Voilà. Ces baraquements existent toujours, du coup ? Non, il en reste des restes qui servent encore de vestiaire, hein, mais la plupart ont été éliminés. Alors moi, quand j'entends baraquement, j'imagine des espèces de grands hangars. C'était quand même des appartements, tu dis. Ouais, c'était en dur, mais c'était vraiment très modeste. Hein. C'était pas un château. Et peut-être la dernière chose, on peut quand même revenir sur Mont-Hainaut. Donc... comment dire, dans une certaine manière de raconter l'histoire du Marais et de Saint-Étienne, on a appris que le Mont-Hainaut avait été construit pour loger les gens du Marais. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en avez appris ? Moi, je pense que c'est une manière de raconter l'histoire. Je pense que c'est beaucoup plus large. Le mouvement qui crée Mont-Hainaut, c'est un mouvement de réflexion sur l'évolution de la ville de Saint-Étienne. Donc on crée aussi là des grands ensembles urbains dans le sud de Saint-Étienne et on en crée un peu vers le nord. Donc Mont-Hainaut, c'est l'idée après la guerre de créer des pôles d'habitat qui vont permettre de résorber le centre qui est très vétuste. Et c'était des opérations qui visaient à donner aux habitants de Saint-Étienne des appartements avec le confort, etc. Donc c'est ça la dynamique qui crée Mont-Hainaut. Alors il se trouve que des habitants qui étaient au Marais sont allés à ce moment-là vivre au bas de Mont-Hainaut et en haut de Mont-Hainaut. Mais ce qui a produit Mont-Hainaut, c'est pas il faut reloger les gens du Marais. Hein, donc dans la reconstitution un petit peu du passé, une association des gens de Mont-Hainaut se sont dit « Tiens, c'est intéressant de faire un travail de lien entre le Marais et Mont-Hainaut », ce qui est tout à fait vrai. Mais c'est un peu forcer l'histoire que de dire qu'on a fait Mont-Hainaut pour reloger les gens du Marais. En fait, si tu dis que c'est demain qu'on fait sauter la tour à Moreno, c'est aussi une nouvelle page qui s'écrit, parce que Moreno a quand même représenté à un moment donné, et c'est comme la Métard, quoi. C'est le moment où Saint-Étienne crée des ZUP, hein, des zones d'urbanisme entre guillemets modernistes. Et comme toutes les grandes villes ont fait, hein, et là maintenant, il y a eu des réhabilitations successives, hein, dont certaines ont plus ou moins réussi, et maintenant on en est à détruire ces bâtiments parce qu'ils sont inhabitables, inhabités, et créant des espèces de poches de misère, entre guillemets, ou sans guillemets, dans des quartiers qui sont déjà très difficiles à vivre parce qu'il y a beaucoup de jeunes et ils n'ont pas de travail, donc ça crée des ambiances qui sont dures. Et bon, moi, j'ai pas d'avis sur la destruction de la tour de Moreno. Ce qu'il faudrait, c'est effectivement repenser complètement la ville dans son entier. Et on peut pas résoudre les problèmes de ces quartiers en regardant que le quartier. Donc, avec ou sans la tour de Moreno, Moreno restera quand même un gros problème à résoudre, comme beaucoup de quartiers en France. Je pense qu'on a essayé de faire revivre un peu des ombres du passé avec nos pauvres moyens d'historiens, des archives, notre savoir qu'on a construit en travaillant. Mais ce qu'on peut voir quand on circule ici, c'est qu'il n'y a plus aucune trace réelle. Enfin, il y a des traces réelles, mais qui ne sont pas mises en valeur. Donc on peut se poser des questions sur la responsabilité de nos élus, nos maires, nos urbanistes qui transforment les villes, mais souvent en faisant table rase et sans être nostalgique du tout. Il faut que les villes évoluent. On peut se dire, on pourrait imaginer d'autres formes d'urbanisme qui au contraire mettraient en valeur les couches successives qui s'accumulent. Et on aurait peut-être une autre visite. Et on utiliserait peut-être des historiens autrement aussi. Oui, alors moi j'ai un avis différent de Jacques Roux. Je pense qu'il n'y a rien à attendre des pouvoirs publics et on ne voit pas pourquoi. Ils créeraient de nouveaux musées qui sont des endroits morts. Mais par contre, non, je rigole, mais par contre, nous, le travail qu'on a pu faire est d'aller dans les archives. C'est d'essayer de. C'est pas simplement évoquer des ombres, mais c'est vraiment de la vie intense qui peut être mise à jour. Donc, c'est des tranches de vie, si je veux dire. Non, c'est pas le mauvais bon mot qui apparaissent. Mais donc, les archives, et nous, on fait déjà partie des archives, mais c'est effectivement faire revivre des intensités de vie qui ont un sens très très fort pour nous qui existons maintenant. Oui, mais je vais quand même me défendre. Oui, oui. Non, on a des modes de vie, je prends une dimension plus anthropologique, où on a coupé justement le passé avec le présent et l'avenir. Mais on peut penser à des sociétés qui vivent ça à travers des griots, à travers des gens qui transmettent de génération en génération la vie dont tu parles. Et ça, nous, on l'a perdu. Et effectivement, nos villes évoluent. Hein, et je suis pour que les villes évoluent. Et sans se transformer en musée, mais on pourrait aussi se poser des questions sur la manière dont de génération en génération on transmet ce qui s'est passé dans les lieux. Et là on va tomber sur des divisions du travail. Donc il y a les universitaires de côté qui font leurs enquêtes historiques, qui forment des futurs historiens, etc. Et de l'autre côté, tu as des responsables urbains qui transforment la ville, et des ingénieurs et qui ne vont jamais fouiller dans les archives, qui ne lisent jamais un bouquin d'histoire. Et qui s'en foutent royalement. Pour eux, c'est construire du moderne. Ils ressemblent aux investisseurs de l'usine Barouin, du temps de Barouin, quoi. Ouais, ils font leur truc. Et on peut se demander si une ville, c'est pas aussi quelque chose qu'on habite et qu'on devrait avoir la charge aussi de transmettre avec la profondeur historique de ce que ça représente. Ce qui apparaît assez clairement, c'est que le quartier n'existe plus. Vous avez travaillé et Il n'a jamais bien existé. Eh ben, c'est ça quand qui est même, quand même, vous l'avez quand même permis de dire il y a l'habitat, il y a la. Ah non, il y a eu une vie intense. Il y a la vie associative, il y a l'église. Et aujourd'hui, ben, c'est un quartier qui a disparu. Parce que, c'est un quartier qui a disparu. Quand on parle du vécu stéphanois, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste le Stade Geoffroy-Guichard, il en reste le Technopole, il en reste le Zénith. Mais à proprement parler, on n'a pas besoin de dire « je vais dans le quartier du Marais ». On ne le dit plus. Hein. On ne le dit plus. Tu as raison. Non, c'est plus un quartier. Oui, mais c'est un quartier, une ville évolue, il y a des quartiers qui naissent, il y en a qui disparaissent. Mais c'est vrai que sur les sites, on devrait quand même, à mon avis, assurer une certaine transmission. Sans les transformer en musée, justement. Acheter vos livres. Ah oui, alors moi j'aurais conclu plus en disant si vous entendez cette émission et que vous avez des choses à raconter sur le Marais, contactez le Grémos. Oui, exactement. Oui, pardon. Oui, t'as raison. Oui, excuse-moi. Oui, et donc, et on est prêt à être Radio Audio, à refaire des émissions sur les souvenirs des gens ou de les interviewer. Ouais.